Wet, pardon si j'écorche son nom, mais en U20 c'est pas viable. Sinon le nom, le pressing, il y croit beaucoup plus, il croit qu'il peut permettre de gratter des résultats, là, mais de pas vocation à être CA ou pressing ne seront que très occasionnels dans la gestion des U20. Pour la CA c'est pareil, il va y avoir plus de possibilités de bien le réussir avec la réforme du moteur de jeu. Mais il faudra encore que ça se confirme avec le début de saison. Mais il ne faut pas croire que ce sera des tactiques miracles. CA doit rester occasionnel et surtout l'adversaire. D'accord, comme il voulait pas faire de petites blagues, je vais en faire une à sa place. C'est vrai qu'il a raison, le tir de loin c'est plus difficile que le tir de près. Bref. Alors j'ai eu un HTML de l'MGS, c'est une super bonne nouvelle, d'ici à ce qu'il se couche, donc apparemment il se couche tard, il va nous envoyer son avis sur les élections U20. Ok, mais c'est dommage, pourquoi il peut pas venir? Malheureusement il a pas de micro non plus apparemment, il y a une épidémie. Alors par contre je décline toute responsabilité, Darcel veut que je fasse ma blague, si dans deux semaines je suis loqué sur Aptrick par les GM, vous saurez pourquoi. Je vais faire la blague des sadomaso, c'est pour ça. Après le pressing et le tir de loin, je pense que là, on... là ça va être bon. Là, après le pressing et le tir de loin, les sadomaso, on passe à l'étape suivante. Ça va faire monter l'audimat. Alors, on va passer à la prochaine question. Donc, prochaine question, et pratiquement dernière question, je pense. Est-ce qu'il n'a pas peur de sacrifier son équipe, s'il est élu? Donc, son équipe SM de Caen, je vous rappelle. Alors c'est le stade Malherbe de Caen, pour, hein. C'est pas les sadomaso, hein, pour ceux qui auraient des mauvaises idées. Alors non, pas du tout, son équipe est très bien en place et elle devrait suivre son plan de formation. Donc dernière question, donc après on le remerciera de nous avoir accordé son interview. Alors est-ce que éventuellement, s'il se présente et qu'il est élu, il envisagerait ensuite d'être sélectionneur de l'équipe de France A? Ou est-ce que ça, U20, ça lui suffirait d'avoir un seul mandat? On le remercie aussi de nous avoir supportés. Aussi, oui. Et ça, on va le faire après. D'avoir supporté nos questions, nos blagues aussi, surtout. Je pense que s'il est élu, il pourra nous remercier pour nos blagues, quand même. Ouais, grâce à faire de la pub. Les gens ils vont arriver sur la page vote, ils vont voir SM Caen, ils vont faire ah ouais les sadomaso qui vont cocher. Bah déjà demain il y aura 25 visites sur sa page de club. Alors Aïd, dernière question avant de te remercier d'être venu nous voir. Donc est-ce que tu envisages de te présenter éventuellement après l'équipe de France A si jamais tu gagnes les U20? Alors les U20 le passionnent, mais par contre les A, ça l'intéresse pas plus que ça. Il a un peu de mal avec les U20 plus. En tout cas, il nous remercie pour notre accueil bien sympathique et il nous dit que notre idée de radio était très intéressante. Et que si il était élu et qu'on poursuivait notre idée de radio, il achète participer avec nous à FIA. Aussi des blagues pourries. D'accord, donc on le remercie déjà pour l'interview, hein, on le remercie beaucoup. C'est le deuxième candidat qui est venu nous voir. Et puis si jamais il veut participer au championnat de blagues pourries avec nous, ce sera avec plaisir. Voilà. Et du coup, on lui souhaite tous bonne soirée. Merci Aïd, bonne soirée. Merci Aïd. Et puis bonne chance pour les élections. Bonne chance pour les élections aussi, parce qu'on l'a dit juste tout à l'heure. Voilà. Donc je rappelle que pour les votes, c'est autorisé jusqu'au... Le 4. Jusqu'au 4 janvier à 7h du matin, voilà. Est-ce que quelqu'un avait quelque chose à rajouter sur un sujet ou autre? Bah non. Au pire, on verra ça pour la deuxième émission. D'accord. Donc le sujet de la deuxième émission...

Alors, pas du tout, non. Je dirais plus Raptor, quoi. Voilà, Raptor, ouais. Tu as vu récemment qu'il y avait deux équipes au Danemark qui tapaient du mythique en tir loin, c'est bien ça? Ouais, justement, je m'étais intéressé suite à une réflexion donnée par Chaka sur le jeu créatif et les tirs lointains. Et donc, j'ai commencé à fouiller un petit peu, surtout sur un poste de Julen, et non pas Dr. Julen, ton frère, mais Julen, qui, sur le, comment dire, le Global English, propose un poste avec tous les matchs à mettre en signé. Et dans les matchs à mettre en signé, il y avait un match où il y avait une tactique tir lointain, mythique. Donc, j'ai regardé, puis j'ai regardé l'équipe en question, et l'équipe en question, donc, sur la saison 39, tapait du mythique, du magique, extraterrestre, tactique, et surtout, plantait, sur tous ces matchs, plantait au moins un tir lointain, voire deux, des fois trois. Et tout ça sans attaque, c'est-à-dire du mauvais partout. Mais par contre, l'attaque, la carac buteur était surtout sur les milieux de terrain et les ailiers, avec certainement du divin coup franc. Et le résultat fait que déjà au niveau des coups francs indirects, donc ça donne des notes de coups francs indirects offensifs et défensifs absolument impressionnantes, puisqu'il a approché du brillant ou inoubliable en coups francs indirects. Et sur les tirs lointains, donc il en prend deux ou trois par match. D'accord. Chenin n'arrive plus à suivre, alors je vais lui proposer de rajouter quelque chose, mais il a strictement rien à dire par rapport à ça. Ah, pas grand chose à rajouter, non, il a fait ça tellement bien qu'on peut pas dire grand chose. Toi, tu utilises quelle tactique de jeu, Chenin, d'habitude? Bah, moi je mets des bourrins sur le terrain, puis en général ça suffit, ça passe, quoi, pas besoin de mettre une tactique, c'est la fioriture la tactique. On joue normal, ça passe, si on doit s'abaisser à jouer en attaque au centre ou attaque sur les ailes, c'est qu'on a une équipe trop mauvaise, c'est tout. Faut changer de métier. Ouais, si on joue en attaque sur les ailes, c'est qu'au centre on est nul en fait. Ouais, ou c'est qu'on est nul tout simplement, il suffit d'avoir des joueurs qui sont divins partout, et puis c'est bon, on n'a pas besoin de tactique. Il y a quelqu'un qui parlait de la CA tout à l'heure et qui disait de toute façon la CA c'est pour les tafioles. Ouais. C'est-à-dire ceux qui n'aiment pas le milieu. Non, c'est les tapettes, pas les tafioles. C'est n'importe quoi. La CA c'est pour les tapettes. Alors comment tu peux nous définir les tapettes de la Trix? Il y en a un à côté de moi, ancien GM dont je ne citerai pas le nom, ça commençait par L, ça finissait par B, mais je ne dirais pas qui c'était. Quoi. Mais bon, une tapette c'est quelqu'un qui a une équipe trop mauvaise, quoi. Donc il est obligé de jouer en CA pour réussir à faire quelque chose. Quand t'as pas le milieu, tu joues en CA. Faut savoir que l'AB est quand même spécialiste S-relégation en ce moment. C'est-à-dire. C'est pour ça qu'il y a eu la réforme pour les bots là récemment. Ils ont décidé de le mettre en D9 direct. Ça sera plus simple et plus pratique pour tout le monde. Qu'est-ce que tu veux dire pour ta défense, l'AB, si t'as quelque chose à défendre? Je pense que je suis aussi mauvais que Beppo, donc ça va, quoi. C'est pas mal, quoi. Qui est à peu près au même niveau que moi. Mais qui est Beppo? Quoi, tu connais pas Beppo? Si, mais je suis pas sûr. Et les auditeurs, peut-être pas. Ah bah, Beppo est champion de France, donc je suis aussi mauvais que lui, donc ça va. Il est d'être champion de France, surtout, et il a à son actif le match le plus incroyable de la Trix. Un petit match de barrage contre Clippers. Assez sympathique, où il se permet de gagner en pressing avec 188 de HC Stats contre 350, l'autre qu'avait Motz, surnaturel au milieu, et voilà quoi. Il devait avoir 2,74% de chances de gagner, environ. Hein. Je sais plus exactement, mais c'est un truc de fou. Ça m'a rappelé aussi, une fois j'ai vu un match, ça c'était justement dans les matchs to bookmark sur le poste de Julen, sur le Global English, où t'as un mec avec une équipe de 252 à stats à domicile, perd 1-0 contre un boss. Pas mal. C'est impressionnant. Toi, ça t'est déjà arrivé? Disons qu'en ce moment, je rencontre pas mal de bots. Alors, Romaillan, en fait, a dû refaire une équipe récemment, et donc est en D9, avec son expérience de plus de 4-5 ans d'actrice, il commence à gérer la D9. Ça va pour l'instant, disons que j'ai 9 points d'avance là sur le deuxième, avec 72 plus 72 de goal average sur ce gars-là, alors qu'il reste que 3 matchs. Théoriquement, normalement, je devrais remporter ma division. Bravo Romaillan, j'espère que tu auras autant de chance pour la D8. Alors, en essayant, on verra bien. J'ai aussi discuté de l'entraînement coup franc, avec un spécialiste de l'entraînement coup franc. Dadé? Non, en fait, non. Non. T'es spécialisé quelque chose, Dadé, toi? Non. Oh si, si les spécialistes du milieu étaient capables sur un match avec 182 à stats, nous taper du inoubliable très bas en milieu de terrain, à domicile, en note, surtout en jouant en D6, je crois. Non, non, en D7. En D7, tu tapais du inoubliable au milieu. Ouais. Tu te gardes. Non. Ouais, tu... Il facilite vachement la cardio. Ah, Dadé est très prolixe, très labile, très bavard. Ouais. Merci Dadé, c'est un plaisir de discuter avec toi. Alors je pense qu'on peut jouer au ni oui ni non. Est-ce que tu es pour une reconduction du mandat de l'MGS? Ça dépend. Est-ce que tu es pour que Badada reprenne une équipe? Ouais. Je sais pas. Il en a déjà repris une, hein? Mais bon, c'est pas grave. Ah, l'abbé, tu peux nous dire le nom de la nouvelle équipe? Ah, non, c'est bon, arrêtez de top secret. Un indice. Bah, ça commence par une lettre et ça se termine par une autre. Moi, je peux donner un indice. Ouais, ce qu'on peut donner comme indice, quand même, c'est qu'il est tombé dans la même division qu'elle déborde. Et c'est important, quand même. D'accord, division 9 ou 8? Ah, je sais plus bien, quoi. Il faut que je vérifie dans mes signes. D'accord, donc en cherchant Eldebor, mais Eldebor a changé de pseudo, il me semble. Là, c'était El Malino à un moment, là, il a encore changé. Oui, il change sans arrêt, quoi. Je pense que là, en ce moment, c'est Dadé ou l'Abbé, je sais plus. Pas mal. Non. Si, c'était bon. Alors, Super Burnout. Es-tu réellement Super Burnet? Alors, pour que la légende continue, je ne peux pas répondre à cette question. Pour préserver le mythe, je ne le saurai jamais. Bon, pour faire tiers, monsieur l'abbé, vous qui avez beaucoup réfléchi à ces termes de sexualité et de longueur de sexe, pouvez-vous nous apporter votre précision théologique à propos du sujet? Non. Merci, monsieur l'abbé. Que dirait Badada dans un tel cas? Oui. Ah, ça je sais pas. Je dirais ou pas? Je sais. Badada, déjà, il arrivera en chemise rose à pleurs. Non, mais il dirait ou pas, et puis voilà, c'est tout. Ah, ça je sais pas. Par contre, vous, Moche, est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous diriez justement dans ces cas-là? Est-ce que vous pouvez justement expliquer pourquoi notre ami Super Burno, tout le monde dit qu'il est Super Burné. Est-ce qu'il aurait payé quelqu'un pour qu'il y ait une rumeur qui se passe, comme dans American Pie? Alors, vous avez posé votre question à Moche, mais qui est Moche? Un mec qui vient juste de passer du côté obscur de la force. D'accord, alors Moche va vous répondre. Et où est Moche? Ah, il est là. Moche? Oui, c'est mon Moche. Alors, moi je pense que... Oui. Tu aurais déjà posé la question à Walid, qui vient d'arriver. Walid qui vient d'arriver, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Non, mais me demande pas quelle question, réponds. On va boire un coup, hein. Ça, c'est une bonne réponse. Donc, pour en revenir à la question sur Super Burno, voilà la question. Moi, il m'a payé en argent. Un Super Burné. Oui, moi. Super Burno m'a payé. Walid, il s'en bat les couilles, il a gagné 4-2 ce soir, il est champion. C'était très bien. C'était très bien.